Franchement, you know what I'm saying? Dans la vie, il faut foncer, you know what I'm saying? Franchement, yo, word up. Quand tu veux quelque chose, faut aller chercher toi-même, man. Y'a personne qui va le donner. On s'en fout du reste, yo. Yo, fuck rap, caché ma mission. Architecte, première division. Toutes les autres clics, ils rappent en fiction. C'est pour ça qu'on met des sanctions. Sur ces wack clics comme la gamine qui attrape tes frissons. A chaque fois, saute dans ma section. Laisse-moi ma vision. Sinon, fiston, ce soir, il va avoir de la friction. Je pour tous mes frères pris en incarcération. Tu sors en évasion, tu sais pris au piège par ces générations X. C'est pour ça qu'on fume des à chaque soir. Vous, c'était compressé, nous sommes tous stressés. Cousin, comprends-tu? J'ai envie de manger des croquets. Sinon, je stick up tous ces étrangers. C'est comme ça, à Montréal, nous sommes des rangers. Quand la nuit tombe, sois sûr que tu es en bonne santé. Tu vois ce flow militant, je l'ai inventé. Pendant que le shit, tu kick et strict, tu m'en dis générique. Et quand je rappe, c'est que du authentique. Crache une bombe sur ta tête, et là, tu coules comme le Titanic. C'est magnifique, comment c'est simple. Toute ma clique, il faut qu'on craigne. Boss dur, vainqueur, tu sais pour qu'on fasse du pain. Pendant que je te fais un destin de notre destin. T'es un jeune âge destiné à une vie incertaine. Et des fois, je pense que la vie mène à rien. Alors, je pense me sens me faire piper pour que je me sente bien. Et dans mon coin, le monde s'en fout de ses grises. S'en fout de ce qu'ils disent. Laisse toute leur clique en crise. Travaille fort pour former mon entreprise. Oh, nigga, please. Je fasse tous ces fake MCs. Hey, yo, on fonce franchement, fiston, on fonce franchement. Architecte depuis 2 ans vise le premier rang. Pensant comment faire beaucoup d'argent et malgré ça reste militant. Et on pense franchement, ils sont pense franchement. Architecte depuis 2 ans vise le premier rang ainsi sur ce plan. Pensant comment faire beaucoup d'argent et malgré ça reste militant. Hey yo, tu veux savoir comment c'est quand je tiens le mix? C'est comme une jeune dame à 4 pattes en train de sucer ma beat. Après ça, fais gyro les shit. Tout est chill, sort de ma Jeep pour rejoindre ma clique. Eh fils, il faut qu'on fasse du fric. Alors ici, on est prêt à tout faire pour changer nos chiffres. Et si Popo est là, on se pousse vite. Pourquoi? Car ici, il pense moi à arrêter ses kids. Et c'est pas drôle si il faut qu'on pique. Mais c'est comme ça, ici les jeunes enfants meurent pour des paires de nicks. Le monde sont pauvres, mais ils veulent être riches. Ça se voit dans le club le soir, si le monde s'habille chic. Eh fils, écoute-moi, regarde autour de toi. Les choses vont de mal en pire, il faut qu'on change ça. C'est comme ça, quand je te parle sincèrement. Et si le monde m'agouille pour tout le prochain paiement. Mais franchement, je pense c'est temps qu'on se mette à penser. Qu'est-ce que c'est? Pour le moment, vous faites que rancer ou danser. Ou peut-être pire, je sais que c'est censé. Et en ce temps, cousin, mes rimes influencent tes pensées. Comme le flow que tu kiffes, mais yo, c'est manqué. Tu veux copier, cousin, faut me demander. Et je suis là pour une raison, c'est représenter. Tellement bien qu'au point le monde se met à bander. Faut m'en relancer, c'est une nouvelle ère pour me revenger. Fils, écoute-moi, pour toi, c'est représente du danger. À Montréal, ici, le monde a peur de rapper. Et même dans ta ville, le monde, ils veulent te voir écrasé. Et on pense franchement, fiston, on pense franchement. Architecte depuis 2 ans, vise le premier rang. Ainsi sur ce plan, pensant comment faire beaucoup d'argent et malgré ça, reste militant. Et on pense franchement, fiston, on pense franchement. Architecte depuis 2 ans, vise le premier rang. Ainsi sur ce plan, pensant comment faire beaucoup d'argent et malgré ça, reste militant. Et on pense franchement, fiston, on pense franchement. Architecte depuis 2 ans, vise le premier rang. Ainsi sur ce plan, pensant comment faire beaucoup d'argent et malgré ça, reste militant. Et on pense franchement. Franchement.